Monsieur Raymond Poirier, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ça va très très bien, merci. Vous êtes ici avec nous ce midi pour nous parler de Big Data et d'entreprise. Exactement, on poursuit notre avril data ou notre printemps data, appelons-le comme on veut. printemps data. Alors, je me suis dit, en fait, cette semaine, essayons de prendre un peu du point de vue de l'entreprise. On a beaucoup parlé dans les dernières semaines de données ouvertes, de l'impact citoyen de ça, mais nécessairement, je pense que les premiers qui se plongent là-dedans, outre les administrations publiques, mais c'est les entreprises. Ben oui. Et les premiers qui vont rentabiliser les données ouvertes et le big data et les données massives en général, mais ce sont évidemment aussi les entreprises. Et qui plus est, pour l'instant, la manière dont on perçoit, on comprend, on analyse et on utilise le big data, mais c'est basé sur les modèles d'affaires qui ont été déjà proposés par des entreprises comme Google, comme Facebook, comme IBM, etc., etc. Alors, peut-être, dans le fond, gardons en tête pour l'entreprise que ça devient un terreau qui est extrêmement important dans la mesure où l'innovation ne se fait plus aujourd'hui comme elle se faisait il y a 30, 40, 50 ans. Donc, à un moment donné, il y avait de l'innovation qui était concentrée à l'intérieur de l'entreprise. On avait les réseaux à l'interne pour stimuler cette innovation-là, on utilisait essentiellement l'information qui était produite à l'interne. Oui. Là, on se retrouve dans une situation où c'est 50% à peu près, selon les chiffres qui ont été mis de l'avant à l'événement Big Data Paris qui avait lieu il y a quelques semaines. Donc, eux disaient, regardez, il y a 50% de l'information qui est générée à l'extérieur de l'entreprise. Donc, oui, il y a toujours ces réseaux d'innovation qui sont essentiels à l'interne, mais il faut que l'entreprise soit en mesure aussi d'aller exploiter ce qui se fait à l'externe, d'aller saisir ce qui se fait à l'externe et d'aller utiliser ce qui s'y fait aussi. Mmh. Et tout ça dans un contexte où, et ça c'est Didier Mama, le vice-président des ventes Big Data de SAP, qui disait que chaque minute, on dénombre 2 millions de requêtes sur Google, 200 millions de courriels qui sont envoyés, 2,4 milliards de conversations qui sont effectuées autour des grandes marques. Chaque minute. Chaque minute. Donc, nécessairement, ça veut dire que les grandes marques, comme les petites, doivent les utiliser. Ce qui a amené des grandes marques, on pense à Amazon, à développer un algorithme pour analyser les déplacements des consommateurs, pour préacheminer des produits, pour essayer de prévoir un peu à l'avance, justement, la demande. Et ce qui amène aussi beaucoup les réflexions en lien avec le Big Data, à surfer aussi sur le câble de la science-fiction. Et ça, c'est toujours un peu le défi, autant pour l'entreprise que pour le grand public, d'essayer de voir et de comprendre qu'est-ce qui se fait réellement, qu'est-ce qui va se faire réellement, et qu'est-ce qu'on rêve de faire, mais qui nous amène réalistement sur un terrain peut-être un peu plus fictif. On donnera quelques exemples en cours de route, mais je pense qu'on en a tous en tête. Mais ce qu'il faut comprendre, donc, de manière générale, c'est que selon les prédictions économiques, le Big Data devrait représenter à peu près 1000 milliards d'euros de revenus en Europe d'ici 2020. Donc, selon certaines analyses, notamment le Boston Consulting Group. Donc, ça veut dire que ça va s'imposer. Évidemment, ça va continuer à se développer de plus en plus. Parallèlement, je disais tout à l'heure, bon, il y avait Google, Amazon, Facebook, Netflix et d'autres qui sont les premiers un peu à tirer des bénéfices de la vague Big Data actuellement parce qu'ils ont inventé le modèle d'affaires. On parle quand même de Google qui génère 95% de son chiffre d'affaires avec de la publicité monétisée grâce aux données des usagers. Donc, en fonction évidemment de nos profils Google et qui sont utilisés sur toutes les plateformes, en fonction des clics qu'on va faire, des articles qu'on va chercher, des recherches qu'on va faire, ben ils sont en mesure d'avoir de l'information sur nous et de cibler, de nous proposer de la publicité à très, très bas prix. Facebook fait la même chose. Mm-hmm. Et c'est un peu la première utilisation, dans le fond, de la donnée au bout du compte. Évidemment, le défi, ça sera de dépasser ça aussi à terme. Parallèlement, ça fait le bonheur aussi, le Big Data d'éditeurs de logiciels. On pense à Oracle, à IBM, HP et d'autres. Donc, on parle de 18 milliards de dollars à peu près, eux, d'activités liées aux données. Donc, l'idée, c'est d'aller collecter, d'aller corréler la manne d'informations qui sont partagées en ligne pour essayer, et ça, c'est un peu la manière dont on nous présente, pour remettre, dans le fond, le client, remettre le citoyen au cœur du processus d'affaires. Donc, ce que les entreprises se disent, c'est, ben, j'ai le moyen désormais de mieux connaître qui fréquente mes magasins, qui parle de mes produits, comment on en parle, à quel moment, et ensuite, ben, à partir de ça, je peux aller rejoindre la personne de manière la plus précise possible. Ça devient extrêmement intéressant aussi dans la mesure où on peut essayer de prévoir ce que le marché va souhaiter, donc prévoir un peu la demande. Il y a Procter & Gamble, Nestlé, Dell qui le font et d'autres, donc qui essaient d'analyser puis de scruter puis de dire, bon, OK, on parle beaucoup de ce type d'attente-là, c'est beaucoup ce type de question-là, donc est-ce qu'on peut orienter la recherche et développement en fonction de ces besoins-là? Très pertinent. Justement, j'allais te demander quel types d'entreprises peuvent profiter de cette recherche-là, finalement, et je pense que les réponses sont infinies, là. Oui, exactement. C'est ce qui fait un peu le grand défi du Big Data, dans la mesure où les utilisations sont, en fait, dépendent essentiellement de la technologie et de l'imagination à ce stade-ci. Bon, à un moment donné, après ça, ça viendra à autre chose, mais disons, un peu tout le monde peut aller chercher un certain bénéfice. Mais par contre, c'est un peu, encore là, on revient à ce défi de la publicité du Big Data et de la réalité du Big Data, mais il y a quand même aussi une marge entre l'offre potentielle et l'offre réelle. Et donc, il y a disons, faut y aller, mais progressivement. C'est ce qu'on dit dans la plupart des analyses. Et notamment, il y a IBM qui mentionne, eux, de leur côté, ils disent « Think big, start small ». Oui. Donc, de commencer progressivement. Et en même temps, de pas non plus s'imaginer que, même si on a la possibilité d'avoir de l'information, qu'on a la possibilité d'avoir de l'information qui pourrait être prédictive, ça va nécessairement enlever l'intervenant humain à l'intérieur de ça. Donc, c'est plutôt... Non, j'imagine au contraire, l'intervenant humain devient essentiel pour faire la part des choses entre ces nombreuses informations qu'on reçoit là. Oui, puis c'est en fait ça transforme l'organisation évidemment, mais il y a des postes qui selon du moins ce qui ressortait de Big Data Paris qui vont rester dans l'entreprise. On pense de publicité par exemple, au niveau marketing, il reste. Donc évidemment, les choix marketing des organisations sont liés à des données. De toute façon, c'était déjà le cas, on savait un peu à qui on voulait s'adresser, on savait un peu à qui on voulait porter le message, mais là, on peut le savoir encore plus, mais ça remplace pas la nécessité d'avoir un message à porter à ces gens-là. On peut calculer si le message va rejoindre les gens, mais encore là, ça nécessite la possibilité d'adapter le message. Ouais. Donc, au niveau vente, il va toujours avoir besoin de gens créatifs qui vont pouvoir porter donc ces éléments-là, qui vont pouvoir créer sans nécessairement être implicitement liés aux impératifs du Big Data. Si on pense au niveau de l'organisation des processus décisionnels, décisions étatiques, décisions de société, grosses décisions. Ça, c'est les grosses interrogations qu'on a justement, puis on a l'impression, on en a déjà parlé d'ailleurs, que les gouvernements suivent pas la parade. Ou s'ils la suivent, ils traînent un peu de la patte. Mais ce qui est important de garder en tête dans des contextes comme ça, c'est qu'on aura plus de données pour prendre des décisions mieux éclairées, mais que l'ordinateur ne doit pas et ne devrait pas et ne devra pas prendre la décision à notre place. Exactement. Donc, c'est un conseil additionnel, ça pourrait être un conseil précieux, mais l'idée, et je pense que c'est quelque chose qui est parfois oublié, mais qui est souvent mis de l'avant aussi quand on en parle, l'idée, c'est que le Big Data viendra pas remplacer, donc l'élément... Non. Et ça reste important. Ensuite, bon, évidemment, il s'agit que les organisations intègrent justement ces habitudes-là. Est-ce qu'ils sont en retard? Est-ce qu'ils sont en avance? Ben, évidemment, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, Jérôme posait la question, parfois, c'est un peu y répondre. Mm-hmm. Mais en même temps, on est tellement, on en parle plus qu'on en fait, des fois. Oui, c'est vrai. Aussi. Donc, dans la mesure où, pour l'instant, ça reste un domaine qui est relativement embryonnaire. Donc, ça fait quelques années qu'on en parle, on sait que ça va s'imposer, on sait qu'il y a des grosses possibilités, mais il y est encore le temps, et il sera encore le temps de suivre un peu la tangente. C'est aussi quelque chose qui ressortait, justement, de ces conférences-là. Et en sachant que, oui, il y aura des postes qu'on devra conserver, que ces postes-là devront être appuyés par ces nouvelles ressources-là. Oui. Et en parallèle, il y aura des nouveaux types d'employés. On parlait, je pense, la semaine dernière des data scientists, entre autres. Donc, il y aura des nouveaux postes qu'on devra aussi créer pour répondre à ces demandes-là et des spécialités qu'on devra développer aussi pour répondre à ces demandes-là. Effectivement, parce que là, on parlait un petit peu plus tôt de recherche en ce sens-là qui va devenir de plus en plus pertinente. Mais est-ce qu'il y a l'éducation qui se fait en ce sens? Est-ce qu'il y a des programmes universitaires, principalement, qui se penchent sur ce phénomène-là, question de suivre la parade, est-ce que les gens sont bien formés pour répondre à cette nouvelle réalité qui va nous envahir bientôt, là? J'aurais tendance à dire, de ce qui ressort des rapports que j'ai eu l'occasion de feuilleter, évidemment, j'ai pas fait une revue exhaustive de ça, mais que c'est en cours. Okay. Donc, tranquillement, il y a des formations qui se développent, des formations ici, ailleurs, etc. Donc, ça serait intéressant de surveiller ça. Et évidemment, aussi dans des contextes où, je pense que c'est le 15 mars dernier, il y avait Twitter qui avait lancé les Twitter Data Grants, où il disait, on va vous donner accès à nos données pour faire des recherches, pour explorer. Et donc, tranquillement, en fait, ce genre de programme-là va aussi amener des partenariats entre les créateurs de données et les gens qui pourraient réfléchir à la donnée, surtout dans la mesure où l'histoire moderne est écrite sur les médias sociaux, est écrite sur Twitter, entre autres. Exact. Je pense qu'il y avait Facebook, il n'y a pas longtemps, qui avait effacé des profils de dissidents syriens. Et les gens avaient dit, oui, mais pourquoi vous faites ça? C'est l'histoire récente, on va en avoir besoin. Exact. Alors, c'est le pire, c'est que c'est vrai. Donc autant c'est la nouvelle encyclopédie, oui, à quelque part. Et donc autant pour l'entreprise que pour d'autres, comme on le voit, mais ça va avoir un impact quand même assez important. Il nous reste une minute pour parler justement d'une conférence qui a lieu jeudi prochain. Est-ce qu'on parle de demain ou jeudi dans une jeudi semaine? Jeudi demain. De jeudi demain. Jeudi demain, 10 avril à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. Vous avez peut-être entendu parler de Marshall McLuhan, porteur de l'emblématique concept village global, The Medium is the Message, etc. Oui. Donc, lui, dans les années 70, il a beaucoup réfléchi à l'avenir, justement, et à la manière dont l'avenir se construirait. Et il y a un chercheur de l'Université Laval, Jean Mercier, qui est à la Faculté des sciences sociales, qui s'est intéressé, justement, au regard sur l'avenir que McLuhan a porté. Il va essayer de voir qu'est-ce qui est arrivé, donc, de ces prédictions-là qui sont, au bout du compte, aujourd'hui, entre imaginaire et réalité. Alors, pour plus d'informations, évidemment, là-dessus, c'est sur itis.ulaval.ca.